sur la compréhension de la particularité, la spécificité de la présence des musulmans en Europe, nous avons fait le choix de Dar al-Shahad, c'est-à-dire la maison du témoignage. Certes, l'ensemble de la terre peut apparaître comme un espace où l'on témoigne de notre présence. Mais peut-être y a-t-il une particularité plus grande dans cette époque de cette mondialisation, de cette complexification des repères par rapport à la société aux nations, de bien comprendre qu'au cœur de l'Occident, Dar al-Shahada, cet espace du témoignage, où prend une connotation particulière et permet d'insister davantage et d'éviter cette perception qu'on pourrait avoir avec d'autres formulations, que nous sommes là pour faire du prosélytisme. Non, nous sommes là d'abord pour témoigner, de le rappeler avec force qu'à l'époque où effectivement le monde est devenu complexe, que les sociétés ne sont plus uniformisées dans leur culture et dans leur religion, de mettre en évidence cette dimension de la shahada. Et ce qui apparaît comme intéressant avec cette formule, c'est que dans le shahada, c'est tout à la fois et shahada qui fait référence au hadith du prophète qui dit qu'un jour il y aura des êtres qui ne seront de leur religion que cela, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ça c'est la shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi qui dit qu'il n'y a d'un Dieu que Dieu et que Muhammad est son envoyé. Eh bien, cette perception-là de la shahada qui constitue le cœur, l'essence, le pilier, la force et la lumière de notre identité, et en même temps, faisant appel avec la même formulation, litakounu shuhada'a 'ala an-nas.